Hello, hello, c'est Prog à part, l'émission du rock progressif, une émission enregistrée dans le studio d'Acid Dragon, et c'est l'édition de décembre 2020. On démarre tout de suite avec un superbe coffret paru chez Ésotérique Oakwind Live pour fêter les 50 ans anniversaire de la formation britannique Oakwind. We'll be right back. Voilà une compilation qui est tout à fait bienvenue. Elle regroupe le meilleur du rock progressif danois des années 70 pour aller de 67 à 74 pour être plus précis. La crème de la crème avec notamment Ake, Burning Red, Ivanhoe, Day of Phoenix. Ensuite vous entendrez Culpepper's Orchard. Et pour terminer, Secret Oyster. Le titre de cette compilation magique, Living on the Hill, et c'est bien sûr une production de chez Ésotérique.

with souls. Your words to seed your soul with souls. Anytime when words are said of someone's palm you read, you will be a growing. You will be growing. We'll be right back. L'ami Tim, oui, Tim Hunter, celui de Silver Hunter, vient de sortir un superbe album intitulé The North Yorkshire Variations. Allez, je vous propose trois titres enchaînés de cet excellent opus. Thank you. cinquième album déjà pour ce groupe français originaire de la région parisienne. Je veux parler de Eye to Eye. Tout s'écrit avec un 2. Ce groupe eh bien, vient de signer chez Progressive Promotion Records un superbe album intitulé Nowhere Highway. Eye to Eye tout de suite sur le 100.7 et Prog à part, l'émission du rock progressif. Moons ago I often dreamt that time will never be my friend. I can't recall when it did end, nor even what the hell it meant. And time just aced me for sure, for reasons I just can't explain. The hours I've gone yet again, but all my secrets still remain. My dream. My eyes are closed, but I promise to be back in another hour, 'cause I would like to know your face. Après le très réussi Believe in the Machine que nous avions programmé lors d'une dernière émission, le Canadien Rick Miller frappe à nouveau avec un nouvel opus fort réussi, Unstuck in Time, tout de suite en exclu sur Prog à part. This moment. There is no why. I'm unstuck in time as I drift the ages through. Like Billy Pilgrim, I have lost a time. Thank you. the grass are just things of the past. Here everything is Je reçois dans ma boîte aux lettres un disque plutôt mystérieux, accrocheur, angoissant, une pochette en noir et blanc avec un visage décomposé en morceaux de puzzle. J'ouvre le livret et découvre que derrière ce titre un peu mystérieux, Ayno, A-Y-N-O, se cache notamment mon ami Jean-Pierre Louveton, et oui, le guitariste magique de Nemo, qu'il vient accompagner de sa guitare un chanteur au nom de Yon Gachet Chevalier et qui est accompagné à la batterie par Jean-Baptiste Itier. Un extrait tout de suite. We'll be right back. Waouh, prog à part, c'est trop de la balle! On termine The Last But Not The Least avec un superbe projet. Un projet mené par deux entités du progressive rock. Tout d'abord, Tom Doncourt, le leader de ce groupe américain intitulé Cathedral et auteur de ce superbe album paru en 78, Glass Stain Stories. Et le deuxième compère s'appelle Mathias Olson, il était au cœur d'Anglagard. Imaginez ce que peut donner le mélange de ces deux maîtres du progressif, eh bien un chef-d'œuvre. Tom Doncourt nous a hélas quittés et donc Mathias a tenu à sortir cet album posthume. Il est bouleversant. Tout de suite sur Prog à part. Thank you. Voilà, c'est fini. C'était Prog à part, édition décembre. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine, suivant l'expression britannique « Take care, stay safe ». N'oubliez pas qu'Acid Dragon vient de sortir un nouveau numéro, numéro 78. Je vous dis, comme d'habitude, tenez tati et à que la prochaine. Cette émission était dédiée à la mémoire de Grisette. Ciao, ciao.